C'est la mixtape RAP. Rien à payer. Mixtape RAP. Écoute, ya. Je suis las de ne tomber que sur des os. La vie est sans le fleuve tranquille, me fuit depuis tout gosse. 2008, hein. Écoute, ya. J'ai comme graffé dans mes souvenirs ces images de bassesse rotule la terre devant ces manipulateurs jouant les pères fondateurs d'un pays d'une terre qu'ils pensent avoir le total contrôle. Mais dites-moi si c'est le drôle, dites-moi qui a le bon rôle. Mais dites-moi qui est bien, mais dites-moi qui est assorti. En tout cas pour le moment l'espoir est incertain. Et je comprends maintenant pourquoi mes larmes deviennent de l'encre. Et je comprends maintenant pourquoi je me sers tête d'été leur sac. Faudrait pas qu'ils poussent, je veux pas cacher le regard d'un gosse sur un avenir sans horizon jonché de portes closes. Le temps s'écoule et les blasts s'effacent devant le blasage. Un jour on distribuera du xan au gosse de bas âge. Nombreux sont les réfugiés virtuels, console à la main. Pendant que les derniers contestent à terre, envisagent la mort, molotov à la main. Nauséabonde, je veux pas que la liberté sente le corps back. Dans ce globe où dès la naissance on se prend tous une claque. Je peux pas croire que la parole n'apaise pas les peines. Je rentre seul sous la pluie, l'amertume dans mes veines. L'amertume dans mes veines, hein. Quand les sourires s'effacent, toujours la même constatation, hein. T'en penses quoi, deuxième, hein? Vas-y, dis-leur, explique-leur ce qu'on pense et ce qu'on a sur le cœur. Sur le cœur, écoute. Si je balance comme ça mon vécu, c'est que je pense pas en vaincu. Moi et mes gars, on vaincra toutes ces différences, ces a priori, ces clichés, ces têtes de con. D'ici à l'Elysée, écoute. Je débarque comme d'hab et je rappe à l'instinct. Pour l'instant, pas de révolte à coup d'estinct. Rien que des mots qui esquintent nos destins. Ne sont-ils pas que des destins? Si la tristesse m'envahit, je sens en moi les larmes monter. Prisonnier de mes acromorés ennuis, je ne sais pas où commencer. Destin d'un gosse qui aurait pu réussir sur le terrain. Coûte que coûte de mon plein gré, mais enfin, rien à foutre de finir en cire à crévin. Car pour les miens, je prie avec le stylo que je tiens. Que je tiens. Stylo que je tiens. À force de mirage, on s'attend plus au virage. Tous veulent vivre le rêve, bref, dicté par les images. En orbite, dans cette ronde pestiférée comme des façades. Comprends ma vision d'un monde quand la peur nous accable. La souffrance de plus en plus raccourcit la corde raide. Augmente les sourds et multiplie les appels à l'aide. Ce monde est malade, la tumeur est le pouvoir. Et je pourrais pas soigner le mal du crépuscule de l'histoire. On bosse nos rinda. Corps à gauche d'art, de ce fumigène vocal. En guise de SOS, j'ai peur de rester ses coins dans le sas. Avec mes sauces, on tient plus en place. Certaines attitudes nous dépassent, Nico. Faut que tu saches, tu m'inspires le néfaste. Mes chers compatriotes, à l'heure où les prix ne cessent que de grimper, il faut savoir s'organiser dans cette société. Savoir profiter, savoir dépenser. Enfin, savoir s'offrir, savoir profiter de nos loisirs. J'en ai rien à branler du travailler plus, gagner plus. Moi je veux exister, et ça est-ce qu'il y a